Ça y est, ce décor inquiétant est loin derrière nous à présent. Notre fuite de ce lieu maléfique, nous la devons beaucoup à celui qui, sans relâche, toujours sur le pont, manie les cordes avec dextérité. Mieux, il embellit notre voyage grâce à sa virtuosité. Avant de poursuivre, remercions vivement notre méticuleux compagnon de navigation, Benjamin à la guitare.